Voilà encore une nouvelle anomalie. Cette fois-ci, cela concerne les galaxies. Les astrophysiciens de l'Université d'Arizona ont découvert une galaxie jeune, mais qui se comporte comme une vieille. Il faut se rappeler que ce qui distingue normalement une galaxie jeune, c'est qu'elle est en train d'accumuler de très grosses quantités de gaz par attraction gravitationnelle des nuages de gaz environnants. Et ce faisant, le gaz se met à orbiter le centre de la galaxie un peu n'importe comment, ce qui produit d'importantes turbulences et ce qui est à l'origine de la formation de nombreuses étoiles. James Rhodes et ses collègues de l'Université d'Arizona se sont penchés sur deux galaxies de l'univers jeune, nommées S0901 et The Clone. Ces deux galaxies se trouvent à 10 milliards d'années-lumière. Les chercheurs voulaient étudier comment se comportait le gaz dans de telles galaxies jeunes. Ces deux galaxies sont des spécimens moyens pour l'époque, d'une taille de l'ordre de 10% de notre Voie lactée. Habituellement, il est extrêmement difficile d'étudier en détail de telles galaxies lointaines, mais ici, les chercheurs ont eu l'opportunité d'exploiter le phénomène de lentille gravitationnelle. Les deux galaxies sont toutes les deux défléchies et amplifiées par un amas de galaxies situées sur le trajet de leur lumière. Rhodes et son équipe ont utilisé l'instrument HIFI, Heterodyne Instrument for the Far Infrared, du télescope européen Herschel, pour analyser le rayonnement infrarouge de l'atome de carbone ionisé, de longueur d'onde de 158 micromètres. Cette raie d'émission est normalement produite dans les régions de formation d'étoiles. Et ce qu'ont remarqué les astrophysiciens, c'est que cette raie spectrale était élargie dans le spectre sous la forme de deux pics, leur permettant de déterminer une vitesse de déplacement du gaz. Les chercheurs pouvaient évaluer d'une part la vitesse de rotation de la galaxie et d'autre part la turbulence dans les nuages de gaz. Et à leur grande surprise, ils ont obtenu une image de S0901 comme étant une galaxie très calme, à la rotation parfaite, sans aucune turbulence. Exactement le comportement d'une galaxie comme la nôtre, vieille de 13 milliards d'années d'évolution. Et il se pourrait bien que la seconde observée, celle qui est appelée The Clone, ait le même comportement. Mais la qualité des données sur cette dernière n'était pas suffisamment bonne pour pouvoir conclure. Nous sommes donc face à au moins une galaxie très anormale. À peine âgée de 2 milliards d'années, elle combine le calme d'une vieille galaxie sans turbulence et néanmoins un taux de formation d'étoiles très fort, typique de son âge réel. Il semble donc qu'elle ait déjà fini d'accumuler le gaz de son environnement, mais cela veut également dire que les turbulences ne sont pas nécessaires à la formation d'étoiles. Les auteurs accordent tout de même qu'il faudrait d'autres observations, d'autres spécimens, pour confirmer leurs conclusions. Ces nouveaux échantillons ne pourront, hélas, pas être dénichés par Herschel, qui n'a plus d'hélium liquide pour fonctionner nominalement. C'est désormais vers ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, le réseau de 66 grandes antennes installées dans le désert chilien, que les astrophysiciens se tournent pour poursuivre le superbe travail accompli avec Herschel. Cet article sera publié dans The Astrophysical Journal, dans le volume 787, sous le titre Herschel Extreme Lensing Line Observations, Dynamics of Two Strongly Lensed Star Forming Galaxies Near Redshift Z égale 2, et également en accès libre en préprint, dont le lien est mis à la fin de ce post.